Bosco Douiman. Bonsoir ou bonjour, cela dépend de votre zone d'écoute. Voici les grands titres de ce journal. 18 000 dossiers ne sont pas encore parvenus au ministère de la fonction publique, ce qui retarde les avantages liés aux fonctions des bénéficiaires concernés. C'est ce qu'a révélé le ministre de tutelle lors d'une réunion ce jeudi avec les chargés de ressources humaines dans différents ministères et à qui Venuste Mouyabaga a demandé d'avoir clôturé les cotations d'ici le 30 juin prochain. Les activités médiatiques du collectif de blogueurs Yaga sont suspendues jusqu'à ce que leur association mère dépose des documents valides. Ainsi en a décidé le Conseil national de la communication. De son côté, Yaga communique sur son compte X qu'ils vont entrer en contact avec le régulateur des médias afin d'obtenir plus d'informations sur cette décision. Et le centre de santé Rutumo en commune et province Rumonge manque de courant électrique depuis 2 mois. Ce qui complique les services offerts aux patients. Nous aurons des précisions de notre correspondant là-bas. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les cotations des fonctionnaires doivent avoir été clôturées au plus tard le 30 juin de cette année. Le ministre de la fonction publique l'a dit lors d'une réunion tenue ce jeudi à l'endroit des chargés des ressources humaines des différents ministères dans l'intention d'échanger sur les grandes questions qui préoccupent le monde du travail. Venuste Mouyabaga a fait remarquer que plus de 18 000 dossiers ne sont pas encore parvenus au ministère, ce qui retarde les avantages liés aux fonctions des bénéficiaires concernés. Il appelle aussi les fonctionnaires ayant des emplois types qui ont été corrigés d'introduire leur recours par les chargés des ressources humaines. On écoute Venuste Mouyabaga, ministre de la fonction publique. Le début d'un travail qui va commencer ce lundi, travail d'évaluation de la mise en œuvre de la politique salariale équitable pour voir si réellement elle est venue répondre à des préoccupations des fonctionnaires. Un deuxième point qui était aussi très important concerne l'évaluation des performances au niveau des différents ministères. Cette année, il s'est observé beaucoup d'irrégularités au niveau de transmission des fiches d'évaluation, ce qui a causé un retard énorme qui préjudicie aux fonctionnaires. Actuellement, plus de 18 000 dossiers ne sont pas encore arrivés au ministère de la fonction publique, ce qui signifie que plus de 18 fonctionnaires ne peuvent pas être satisfaits ou régularisés en termes d'analyse. Là, nous avons interpellé toutes les ressources humaines afin qu'ils prennent en compte son manquement pour que cela ne se reproduise plus. Sur ce point, des orientations ont été données. La première, c'est nous avons tenu à expliquer que ceux qui n'ont pas encore eu leur dû compte tenu de la cotation, ce mois d'avril, ils verront leur dû. Mais nous avons insisté que pour cette année, tous les responsables qui doivent coter les fonctionnaires doivent le faire au plus tard le 30 juin 2025. Nous allons informer nos collègues, un responsable qui n'exécute pas son travail soit puni conformément à la loi. Un autre point concerne la régularisation. Si les fonctionnaires ayant des emplois types qui ont été corrigés, cela nécessite des précisions sur la prise d'effet de cet emploi type. Nous avions demandé à tous les ministères de nous transmettre la liste de tous ces fonctionnaires, mais malheureusement, il y a ceux qui n'ont pas encore fait cela. C'est pourquoi nous avons insisté à ce que tous les ministères puissent régulariser la situation afin que ce travail soit facile et que le fonctionnaire et le bénéficiaire reçoivent cette régularisation à temps comme promis. Le dernier point, c'était en rapport avec la ponctualité et la légalité au travail. Nous avons insisté sur ce point parce que c'est un point qui est le moteur du bon résultat, parce qu'on ne peut pas bien travailler alors qu'on ne s'est pas présenté au travail. Le ministre de la fonction publique, Venuste Mouyabaga. Le Conseil national de la communication a suspendu les activités médiatiques du collectif de blogueurs Yaga. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, la présidente du CNC a indiqué que Yaga avait demandé en 2022 d'exercer comme un média, mais par après, cet organe de régulation des médias burundais a constaté que les documents déposés par leur association mère à Djibouti n'étaient pas reconnus par le ministère de l'Intérieur. Espérance Ndayizeye rassure néanmoins que Yaga pourra recommencer ses activités médiatiques si les documents présentés sont valides. On l'écoute. Le Conseil national de la communication a appris que la Djibouti a présenté une reconnaissance juridique non authentique. Il a saisi le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et en ses attributions la gestion des ASBL, puis demandé des informations relatives au cadre légal de la Djibouti. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a répondu à cette demande en précisant que l'ordonnance ministérielle d'agrément présentée au CNC par la Djibouti n'a jamais été retrouvée dans ses archives et qu'il s'agit donc d'un faux document jusqu'à preuve du contraire. Après échange, les membres du CNC ont pris la décision de suspendre le médium Yaga Burundi jusqu'à ce qu'une ordonnance ministérielle d'agrément de la Djibouti reconnue par le ministère de l'Intérieur lui soit présenté. Je voudrais vous informer que le Conseil national de la communication a reçu une déclaration de publication de Yaga Burundi en 2022. Donc, ça veut dire que le Conseil national de la communication a enregistré directement Yaga Burundi dans son répertoire depuis 2022. Vous voyez que donc l'espace qui nous sépare 2022 n'est pas loin. Sinon, avant, Yaga faisait d'autres activités, mais ce n'était pas le journal Yaga Burundi. Et donc, la décision a été prise dans le cadre de mettre de l'ordre dans le paysage médiatique. Si un journal ou une radio ou une télévision opère alors qu'il n'est pas légalement reconnu, c'est très dangereux même pour le journal. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de perturbation des activités de Yaga Burundi. C'est question d'ordre et de légalité que nous défendons dans le métier de journalisme. Yaga dit avoir appris par la voix des ondes qu'il est suspendu temporairement par le Conseil national de la communication CNC ce jeudi 27 mars 2025. Ce collectif de blogueurs communique sur son compte X qu'ils vont entrer en contact avec le régulateur des médias afin d'obtenir plus d'informations sur cette décision. Vous saurez que le CNC a également fermé pour de bon les radios International of Equita, Wamingu Radio, MV Lab et TV Burundi Brisa pour non-exploitation de leurs fréquences. Shalom FM et Look Media Burundi ont reçu par contre l'autorisation de fonctionner. Encadrer les enfants scolarisés et les informer sur les violences basées sur le genre à travers le sport est la raison d'être de l'appui au développement d'une éducation active et inclusive pour tous les enfants. Propos d'Adèle Ndikoumassawo qui travaille dans le projet EJO, initié par Play International. Elle précise que l'idée est d'encourager le développement et l'ancrage communautaire et institutionnel de la pratique sportive des enfants comme vectrice d'épanouissement et de cohésion. Jean-Marie Mayonga. Ces jeux sportifs organisés par Play International et via le projet EJO 2 en collaboration avec Association pour la promotion de la fille burundaise APFB ont pour but d'encourager le développement de la pratique sportive et des enfants. L'éducation à travers le sport dans le domaine scolaire est fournie par les animateurs. Emmanuela Niviu Muremi, membre de l'association pour la promotion de la fille burundaise APFB, signale que les enfants doivent être informés sur les violences basées sur le genre dès le bas âge, afin de savoir comment les éradiquer. Avec l'appui de Play International, l'APFP a pensé beaucoup d'aller se focaliser sur les établissements scolaires parce qu'on a vu que l'enfant soit éduqué dès le bas âge. C'est pour ça que l'enfant, en grandissant, sera conscient des violences basées sur le genre afin de pouvoir éradiquer ces violences dans la communauté. Certains des enfants bénéficiaires de ces jeux apprécient positivement ces formations, disant qu'ils ont beaucoup gagné car ça leur aidera dans leur avenir et savoir comment mener une bonne cohabitation avec les autres. Adèle Ndikoumassawo du Play International précise que le projet EJO 2 est la phase 2 du programme porté par Play International qui appuie au développement d'une éducation active et inclusive pour tous les enfants. Le projet EJO 2, c'est la deuxième phase. On avait fait le premier projet qui s'appelait EJO 1. L'objectif, c'est d'encadrer les enfants à travers le sport et les faire éduquer, donner des messages éducatifs sur la coopération, sur le respect et sur l'estime de soi. Et dans les écoles, on fait le lire, écrire et compter. On fait des séances sur le lire, écrire et compter en troisième année. Et en septième année, on fait des séances sur la lutte contre les VBG et aussi sur l'estime de soi. Je dirais que ce projet, c'est la réussite du projet EJO1. Et maintenant, on intervient pour faire passer le message aux enfants, pour l'éducation des enfants à travers le sport. Lors de cette activité, ce mercredi, au lycée municipal de Buterere, en mairie de Bujumbura, les questions sur les violences basées sur le genre, via les jeux questions-réponses, ont été élaborées par les membres de l'association pour la promotion de la fille burundaise APFB. Play International, qui a élaboré le projet, collabore avec APFB, sous l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le centre de santé Rutumo en commune et province Rumonge n'est pas éclairé depuis plus de 2 mois. Sa direction demande à la régie des eaux de réparer ou de remplacer le transformateur en panne. Les services de la régie des eaux au niveau de la région sud promettent que d'ici une semaine, des techniciens de Bujumbura feront une descente pour procéder aux réparations. Correspondance Pascal Ndaising. Selon les informations recueillies sur la colline Rutumo, le transformateur électrique de ce centre de santé de Rutumo a été endommagé début janvier 2025. Depuis, ce centre de santé n'est plus éclairé. Pour soigner les patients, surtout les femmes accouchantes, les infirmiers font recours à des lampes, torches ou à des bougies, affirme Prosper Nimbe Chaho, titulaire de ce centre de santé, qui estime que ces objets présente le risque. Certains matériels nécessitant de l'électricité pour être stérilisés ne sont plus fonctionnels aussi il y a 2 mois. Et cela a des conséquences sur le fonctionnement du centre de santé. Des patients sont transférés à Magara, c'est en commune de Bugarama de la province Lumonge, à 8 km de ce centre. Prosper Nimbechaho estime que cela présente un risque pour ces patients, surtout que la maladie peut s'aggraver en cours de route. Ce titulaire demande à la régie des eaux de résoudre ce problème technique dans l'urgence. Les services de la régie des eaux au niveau de la région sud du Burundi affirment être au courant de cette panne. Il explique qu'il y aurait un problème de retention de l'huile avant de promettre qu'une équipe technique sera sur les lieux d'ici une semaine pour réparer cet appareil. Pascal Ndaisenga depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Pascal, on reste dans cette commune et province de Rumonge pour retrouver notre autre correspondant Jean-Pierre Misago qui nous rapporte que les jeunes filles fréquentant la section bâtiment et travaux publics au centre de formation professionnelle de Rumonge disent être capables d'accomplir le métier de maçonnerie au même titre que les garçons. Leurs camarades garçons le confirment, mais un de leurs enseignants déclare que certaines filles maîtrisent mieux ce métier que les garçons. Jean-Pierre Misago. Au centre de formation professionnelle de Rumonge, où nous les rencontrons en train de procéder au pavement devant des salles de classe dont la construction tend à sa fin, il est difficile de distinguer de loin les filles des garçons. Nyonsenga Micheline, une des filles de la 4e année de la section bâtiments et travaux publics, est parmi ses camarades dans ses travaux pratiques. Elle affirme qu'elle se sent bien dans son métier et qu'elle en est même capable, rejetant en bloc les préjugés selon lesquels les bâtiments construits par les filles ou les femmes ne font pas long feu. Elle et ses camarades de filles appellent les autres filles à les emboîter le pas dans son métier. Jean-Claude Nibigomba, son camarade de classe, témoigne que ses camarades jeunes filles maîtrisent elles aussi son métier, contrairement à l'image qu'il avait d'elle auparavant. Quant à Emmanuel Manirambona, un de leurs enseignants, les filles maîtrisent son métier plus que les garçons. Dans certains cas, pour lui, il n'y a plus de métier propre aux seuls hommes au regard de la détermination de ces jeunes filles dans ces travaux pratiques de construction. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Toujours au sud du pays, un homme a été retrouvé le matin de ce jeudi dans la rivière Nyangoni, en bas du pont reliant le quartier Mukenge et la colline Kirama de la commune et province Makamba. Les témoins directs disent qu'il aurait eu sa colonne vertébrale cassée et a été évacué vers l'hôpital de Makamba. En moins de deux semaines, un autre homme avait trouvé la mort après une chute de son même pont. Alors que la population demande qu'il soit bien aménagé, l'administrateur de la commune Makamba, Zuena Irakiza, a récemment signalé que la commune n'en est pas capable, mais qu'elle est en train de chercher des aides pour sa construction. Sur ce pont se trouve un ravin dont les berges ne cessent de glisser. Le gouverneur de la province Kayanza appelle sa population à exprimer ses doléances par des voies légales. Rémi Chishahayo l'a dit ce mercredi dans une réunion qu'il a tenue à l'endroit des habitants de la commune de Muruta après la découverte de tracts sur différentes collines. Des écrits accusant l'administrateur communal de manquement à ses responsabilités et de mauvaise gestion des fonds de la commune. Le procureur de la République à Kayanza indique que des enquêtes vont être menées pour que les auteurs de ces tracts soient sanctionnés conformément à la loi. Patrick Zengiumf. Les tracts qui accusaient l'administrateur communal Muruta de certains manquements à ses responsabilités, y compris même la mauvaise gestion des fonds de la commune, ont été trouvés sur différentes collines de cette commune il y a des semaines. Colonel Rémi Chishayo, gouverneur de la province Kayanza, a ce mercredi effectué une visite en commune Muruta pour recueillir les doléances de la population afin d'intervenir pour aider les habitants à trouver solution aux problèmes de tous les jours qui les hantent. Les habitants de la commune Muruta qui se sont exprimés se sont inscrit en faux contre les auteurs de ces tracts. Ils ont fait savoir qu'ils ne sont pas impliqués dans cette affaire, mais que ces tracts n'engagent plutôt que leurs auteurs. Dans son allocution, colonel Rémi Chishayo, gouverneur de la province Kayanza, a appelé les habitants de la commune Muruta à couper court avec cette mauvaise pratique des tracts, mais plutôt à suivre des voies légales connues quand il s'agit d'exprimer leurs doléances. Cette autorité administrative et provinciale à Kayanza en a profité pour les exhorter à ne pas être déboussolés par les rumeurs, mais plutôt à s'atteler massivement au travail pour se développer et rester serein aussi. De son côté, le procureur de la République à Kayanza a promis de mener une enquête approfondie sur base du rapport de la commission ad hoc mise en place par le cabinet du gouverneur de Kayanza pour statuer sur ce cas et que les auteurs en paieront les pots cassés. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva va pour la radio Isanganiro. En actualité africaine, un tribunal en Algérie a condamné ce jeudi à 5 ans de prison ferme l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal en détention depuis novembre, soit la moitié de la peine requise par le parquet. Boualem Sansal, dont le cas est au cœur d'une crise avec la France d'une gravité inédite, était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien pour avoir repris à son compte dans un média français d'extrême droite la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa intensifie les purges au sein de l'armée et des services de sécurité dans un climat de tension politique croissante. Mardi, il a limogé le général Anselem Sagnatwe, chef de l'armée et proche du vice-président Constantino Chiwenga. Cette décision s'inscrit dans une série de remaniements visant à consolider son autorité, mais pour les analystes, ces changements à la tête de l'armée, de la police et des renseignements traduisent surtout une crainte grandissante d'un coup d'État orchestré par ses anciens alliés. Enfin, au Soudan du Sud, c'est une nouvelle escalade vers un possible retour de la guerre civile. Mercredi 26 mars, dans la soirée, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises, a annoncé son porte-parole. Les conditions exactes de cette détention et son implication pour la survie de l'accord de paix signé en 2018 ne sont pas claires, mais le pays n'a semble-t-il jamais été si proche d'un retour du conflit et l'ONU appelle à la retenue et au respect de l'accord de paix. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.